soit le temps. Je tremble au même tonnerre. Et si je cours, j'en tomberai avant. Mais quelle est cette lumière qui m'aveugle la nuit quand les hiboux crient? Mais quelle que soit la terre, je tombe à genoux et je me blesse au vent. Ce soir, on dirait que je vais comprendre. La terre, je...